ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, un portrait de Néron au-delà de la traditionnelle caricature que l'on en fait. Ce personnage bouffi, peureux, d'un caractère cruel et extravagant assez souvent, n'inspire pas une grande sympathie. Pas très sympathique, en effet, ce Néron décrit par l'historien Paul Petit à l'émission Entretien en 1979. Il faut dire que l'image que l'on a de Néron est le plus souvent celle d'un prince tyrannique et sanguinaire. Mais la réalité serait plus complexe, nous disent les historiens plus contemporains, qui vont au-delà de l'habituel cliché associé à l'empereur Néron. Néron, vous n'en doutez pas, c'est un monstre. C'est même probablement le plus grand monstre que la Terre ait porté. Les historiens Tacite et Suétone, ce sont les premiers historiens qui ont commencé à dire du mal de lui, ont été suivis par une cohorte extraordinaire de personnages. Au Moyen Âge, quand on voulait dépeindre un personnage abominable, c'était Néron, et puis vous avez lu Covadis, ou bien vous l'avez vu au cinéma. C'est un monstre, il n'y a pas de doute, c'est un criminel, et on lui reproche... tout de même, trois grands crimes, des crimes effroyables. Le premier, d'avoir fait tuer sa mère, Agrippine. Le second, d'avoir fait empoisonner son frère adoptif, Britannicus. Le troisième, d'avoir incendié Rome pour le plaisir. Et puis, d'avoir ensuite accusé les chrétiens d'avoir commis cet incendie, si j'ose dire, et puis de les avoir massacrés. C'est beaucoup de choses pour un seul homme, sans compter un certain nombre de crimes de moindre envergure. Alors voilà, est-ce que tout ça est sûr? Extrait de l'émission Alain Décaux raconte en 1969. Est-ce que tout ça est sûr? Termine l'historien Alain Décaux à la suite de ce terrible et plutôt traditionnel portrait qu'il fait de Néron. Est-ce que tout ça est sûr? Telle est la question qu'on va se poser tout au cours de cette émission avec l'historien et chercheur au doctorat en histoire romaine, Pierre-Luc Brisson. Pierre-Luc Brisson, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. Avant de voir dans quelle mesure cette fameuse image qu'on a généralement de Néron correspond ou pas à la réalité historique, voyons d'où elle vient. Oui. C'était parfait, là, ce que vient de dire. C'est un très gros dossier à charge qu'on a entendu là. Oui. Hein. Et ça vient d'où, cette image-là? Oui, il est hérité des historiens anciens, on en a parlé, de Suétone, de Tacite, qui ont été les premiers à parler du règne de Néron. Mais il faut comprendre que les historiens anciens, sur lesquels on s'est longtemps appuyé, n'avaient pas vocation à faire une histoire véridique réelle. Hein. Ils écrivaient pour le public. Auxquels ils s'adressaient. Et bien souvent, il faut les replacer dans leur contexte aussi. Ces écrivains-là, ces historiens anciens-là, ont écrit sous les règnes d'empereurs subséquents. Et en noircissant à dessein le trait du règne de Néron, ben, on exaltait la figure des princes sous lesquels on écrivait. Et bien sûr, ensuite est venu les premiers historiens de l'Église chrétienne au 4e et au 5e siècle, pour lesquels Néron représentait la figure de l'Antéchrist. Hein, parce que oui, en effet, on pense que les premières persécutions de chrétiens ont débuté sous son règne suite à l'incendie de Rome en 64. Donc, il est le fruit d'une très longue tradition négative, péjorative. Et qui s'est perpétuée jusqu'à maintenant. En jusqu'à fait. Nos jours, Covadis, on en parlait dans l'un des extraits qu'on vient d'entendre à l'instant, ça a donné un livre, ça a donné un film, et c'est ça qu'on montre, ce Néron monstrueux. Il y a l'historien français Donatien Gros qui a écrit un ouvrage assez remarquable l'an passé, qui s'intitule Néron en Occident, et qui fait justement le panorama de la figure de Néron au travers des siècles, de l'Antiquité, en passant par la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. On se rend compte que les sociétés humaines, que les sociétés occidentales, du moins, ont projeté leur fantasme sur ce personnage-là et qu'il a incarné, oui, en effet, la figure du mal absolu. Ouais. On va, tout au cours de l'émission, comprendre de quelle manière il faut nuancer, justement, le portrait traditionnel qu'on en fait. Mais en un mot, quand même, Pierre-Luc Brisson, de quelle manière cette image traditionnelle correspond pas tout à fait au personnage historique réel. Si j'avais à résumer la chose en une phrase, Néron est sans doute né à la mauvaise époque. Il a incarné un style de pouvoir, un style de gouvernement autocratique, monarchique, qui ne cadrait pas avec la tradition politique du monde dans lequel il est né. Deux siècles plus tard, la tradition autocratique et monarchique de l'Empire romain, elle était consumée, elle était admise. Mais à l'époque de Néron, alors que l'Empire n'avait qu'à peine une cinquantaine d'années. Il représentait, au fond, une figure anachronique. Ouais. Pour comprendre ce personnage-là, il faut d'abord remonter aux sources, parler de ses origines, de ses origines familiales, entre autres. C'est important. C'est le dernier rejeton de la première dynastie impériale romaine qu'on appelait la dynastie Julio-Claudienne. Il faut comprendre que Rome, depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ, est un empire méditerranéen, mais qui était dirigé par un sénat. Ce système politique-là va graduellement évoluer jusqu'au 1er siècle de notre ère, et celui qui va donner vraiment le coup de grâce à ce système sénatorial, c'est Jules César, qui va transformer l'institution pour la mettre à sa main et qui va établir au fond une espèce de système autocratique. César est assassiné donc en l'an 44 avant notre ère, et s'ensuit une période de guerre civile, et celui qui va récolter les fruits de cette guerre civile-là en l'an 30 avant notre ère, c'est le premier empereur de Rome, Auguste, qui est l'arrière-grand-père de notre Néron. Néron est le descendant direct d'Auguste. Et donc Auguste va régner une quarantaine d'années sur Rome, va mourir en l'an 14 de notre ère, et la grande tragédie d'Auguste, c'est que tous ses descendants mâles l'ont précédé dans la tombe. Alors, la légitimité impériale à Rome se transmet par les femmes. Donc, soit on est un descendant par la fille de l'empereur Auguste ou par la sœur de l'empereur Auguste. Donc, il y a comme deux branches collatérales à cette première dynastie impériale-là qui descend soit d'Auguste ou soit de sa sœur Octavie. Et la particularité de notre Néron, c'est que lorsqu'il accède au pouvoir en l'an 54, il descend lui-même directement de ces deux branches collatérales-là par sa mère, l'impératrice mère Agrippine, qui va être un personnage central de notre histoire. Central dans le destin même de Néron. Prenons un instant pour la présenter, cette fameuse Agrippine, très ambitieuse, très beau personnage à étudier par ailleurs. Oui. Décrivez-nous-la, qui est-elle? C'est un personnage de tragédie grecque. Ouais. Hein? C'est pas pour rien que les grands dramaturges français s'en sont inspirés à la Renaissance. Agrippine, donc, je l'ai dit, elle naît en 15 de notre ère, au sein de cette famille impériale-là. Par sa mère et par son père, elle descend donc de ces deux branches collatérales de la famille impériale. Il faut comprendre aussi que donc elle est une descendante d'Auguste par sa mère, et par son père, elle est une descendante d'Antoine, le grand Marc-Antoine, l'amant de Cléopâtre. Donc, il n'y a pas de femme à Rome qui a un sang plus bleu qu'Agrippine. Et Agrippine, elle a compris une chose, c'est que pour survivre dans les arcanes politiques à Rome, il faut être soit femme d'empereur ou mère d'empereur. Et elle va être les deux. En 49 de notre ère, elle va épouser son oncle, l'empereur Claude, avec lequel elle va vivre pendant 5 ans. Claude avait un fils légitime, naturel, qui s'appelait Britannicus et qui était adolescent lorsqu'Agrippine épouse Claude. Néron n'est pas le fils de Claude. Néron est le premier fils d'un premier mariage d'Agrippine. Et le but de cette femme, c'est de placer son fils sur le trône. Elle a un goût insatiable du pouvoir. Oui. Elle veut gouverner et elle veut le faire au travers de son fils. Et donc, en l'an 54 de notre ère, Claude est un empereur vieillissant. Néron est intégré au sein de la famille impériale par sa mère. Claude va même adopter Néron, qui n'est pas son fils biologique, bien sûr. Et on voit ce jeune Britannicus, donc le fils légitime de l'empereur, qui grandit en âge et petit à petit, l'empereur Claude se dit « ben, pourquoi est-ce que ce ne serait pas mon fils biologique qui me succéderait sur le trône? » Ouais. Et ça a été l'élément déclencheur pour Agrippine. Elle a saisi cette opportunité-là. Elle ne pouvait pas tolérer que Britannicus devienne empereur. Et donc, elle va faire assassiner Claude en l'an 54. La tradition veut que ce soit par un plat de champignons. Et elle va placer son fils sur le trône impérial suite à la mort de Claude. C'est comme ça que Néron accède au pouvoir à l'âge d'à peine 17 ans par les manigances d'Agrippine, cette femme au caractère extraordinaire. Et Britannicus y passera aussi. Britannicus y passera une année plus tard, en l'an 55. On prend pas de chance. On prend pas de chance. Le pouvoir ne se partage pas. Ouais. Le règne, donc, il devient empereur, Néron. Son règne se divise en deux grandes périodes, avant et après la mort de sa mère Agrippine. Oui. Cette première période, c'est un peu, Pierre-Luc Brisson, une espèce d'âge d'or. Comment décrire ces premières années de règne de Néron? Oui, Néron est bridé par trois personnes, essentiellement. D'abord, on le dit, par l'impératrice mère Agrippine. Ensuite, par le philosophe et dramaturge Sénèque, qui est un très grand personnage des lettres latines. Sénèque, ça vaut la peine d'en parler brièvement, c'est un philosophe qu'on dit stoïcien, hein, et donc qui pratique grossièrement une philosophie très concrète. Hein. Et pour les stoïciens, la place du philosophe, c'est d'être conseiller du prince. Et donc, Sénèque va servir en quelque sorte de tuteur à Néron. Il va développer, au fond, le style de gouvernement qui va être celui de Néron dans les premières années. C'est-à-dire qu'il va prendre le fondateur de la dynastie impériale, Auguste, comme exemple, et on va établir une espèce de monarchie parlementaire où on va respecter les prérogatives du Sénat. L'empereur est à sa place au sommet de l'État, mais on va quand même respecter le Sénat comme élément de gouvernement. Et ça, c'est l'influence directe de Sénèque. Mmh. Et un troisième personnage, qui est un personnage essentiel pour le pouvoir romain, c'est ce qu'on appelle le préfet du prétoire, c'est-à-dire le chef de la garde prétorienne de l'empereur, qui est un personnage militaire essentiel. Donc, Néron, lorsqu'il accède au pouvoir à 17 ans, il est bridé par ces trois personnages-là qui sont des figures assez importantes de son règne et qui vont s'assurer que les relations qu'il aura avec le Sénat vont être temporisée et respectueuse. Et ça se passe bien, c'est vraiment une bonne période pour lui. Tout à fait. Apprécié d'un peu tout le monde. Il y aura cet assassinat, en fait, d'Agrippine. Elle va mourir. C'est Néron qui la fera assassiner. Oui. Dans quelles circonstances, d'abord? Alors, vous voyez, Agrippine, on le dit, elle voulait gouverner au travers de son fils, mais ne pouvait pas admettre que son fils puisse vouloir lui-même exercer le pouvoir en tant qu'empereur. Et elle va prendre de très grandes libertés. Hein. Elle va se faire représenter sur les monnaies romaines comme impératrice régnante, ce qui est une nouveauté. Elle va même convoquer au palais impérial les sénateurs pour pouvoir les entendre en séance parce qu'une femme ne pouvait pas aller dans la curie du Sénat romain. Donc, elle les fait venir au palais pour pouvoir peser sur les délibérations des sénateurs. Donc, c'est une femme qui avait une poigne quand même assez importante. Et Néron, grandissant, vieillissant, veut se départir au fond de cette influence maternelle-là. Néron va se lier avec une femme, une affranchie, donc une ancienne esclave, du nom de Poppée, qu'il va épouser. Il va répudier sa première femme, Octavie, qui est une femme de naissance noble, la fille de Claude, son père adoptif, et va épouser cette affranchie. Et pour Agrippine, c'est le geste à ne pas commettre. Elle voit en Poppée une espèce de rivale, une ambitieuse qui veut lui ravir le pouvoir. Mais Néron est entiché de cette femme-là. Et donc, Néron va se résoudre, en l'an 59, à faire assassiner sa mère pour justement se libérer de l'emprise que cette femme-là voulait avoir sur son règne. Ouais. La scène est dramatique. Elle se passe au large de Naples. Néron donne une fête en l'honneur de sa mère. Et après la fête, il reconduit sa mère à sa barque impériale. La femme embarque sur le bateau. Et durant la navigation, par un mécanisme quelconque, la cabine dans laquelle se trouvait l'impératrice Agrippine s'effondre, tue beaucoup de ses servantes, mais Agrippine survit. Oui. Elle regagne la rive à la nage, comprend très bien que c'est sans doute une machination qui vise à la liquider. Et Néron est pris de panique. Il se dit, bon, l'assassinat a échoué. Agrippine ne peut pas être laissée vivante parce qu'elle va profiter de ce moment-là pour rallier des gens à sa cause et donc essayer de tenter de renverser son fils. Et donc, il va envoyer des soldats de la garde prétorienne l'assassiner dans sa résidence. C'est un tournant, cette mort d'Agrippine, pour Néron. Après la mort d'Agrippine, vraiment, sa réputation va devenir beaucoup plus... Il y aura une très, très mauvaise réputation qui va entourer Néron. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, Néron, une fois qu'il est libéré, au fond, de l'influence de Sénèque, de sa mère, de son préfet du prétoire, qui va mourir dans des circonstances qui ne sont pas encore élucidées, va exercer le pouvoir lui-même, pour lui-même, de façon autocratique. Il va laisser libre cours, au fond, à ses penchants. Et quand on parlait de style de gouvernement, Néron est influencé par le style monarchique oriental, hein, qui était celui des Égyptiens, qui était celui des grandes monarchies perses orientales, qui était celui d'Antoine même, son arrière-arrière-grand-père. Donc, il va vouloir exercer ce pouvoir-là de façon directe et ça va briser avec les convenances qui étaient établies, notamment envers le Sénat. On a parlé justement des relations qui devaient exister entre l'empereur et le Sénat. Et donc, il va se mettre à accaparer le pouvoir pour lui-même. Il va se faire des ennemis au sein de la classe sénatoriale. Il va même y avoir un complot contre lui, dirigé contre lui, en l'an 65, qui visait justement à l'assassiner et à placer sur le trône un membre de la classe sénatoriale. Et donc, ce complot-là va être éventé, et à partir de ce moment-là, à partir de l'an 65, Néron va rentrer dans une espèce de forme de paranoïa. Ouais. Avec un règne de la terreur qui accompagnera cette paranoïa et qui donnera ces violences nombreuses, ces assassinats, quand on parle de ce prince tyrannique et sanguinaire, c'est à ça qu'on réfère. On écoute à ce propos pourquoi, comment expliquer ces assassinats nombreux que commanditera Néron. On écoute à ce propos l'historienne Catherine Salle à l'émission Au fil du temps en 1993. La peur fait une partie essentielle du comportement et de la personnalité de Néron. Néron, d'un côté, c'est un provocateur, c'est quelqu'un qui aime se distinguer et provoquer les gens bien pensants, enfin les gens de bien, comme l'on dit, par ses déguisements. Il aimait bien aller se mêler dans les bas quartiers de Rome, à la population, aux voleurs, aux mauvais garçons, en étant habillé lui-même comme un mauvais garçon. Donc c'était un provocateur. Mais évidemment, souvent ces provocations entraînaient des réactions de colère, soit de la part du Sénat, soit de la part du peuple. Et Néron avait constamment peur de son entourage. Et cela explique d'ailleurs les assassinats. C'est qu'il avait peur de sa mère lorsqu'il l'assassinait. La conjuration de Pison, qui a été la grande conjuration de son règne, a entraîné la mort de dizaines et de dizaines d'hommes et de femmes, dont Sénèque, dont l'écrivain Lucain, dont l'écrivain Pétrone. Enfin, il y a eu tous ces écrivains-là qui sont morts à ce moment-là, parce qu'il en avait peur. Et c'est un homme qui, malgré la réputation qu'on lui a faite, n'a jamais assassiné par sadisme. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas voir souffrir les gens, mais il assassinait par peur, c'est-à-dire pour se défendre, en fait. C'était une réaction de défense et non pas du tout une réaction de plaisir sadique. Et un Néron plus peureux, donc, que sadique. Oui, je pense que c'est tout à fait juste au portrait que nous en livrent les sources, là, tout à fait. Ouais. Puis on n'avait pas parlé, mais c'est vrai que c'est intéressant, Catherine Salle en parle, il y a autour de cette mauvaise réputation aussi ces mœurs. Ces mœurs dissolues, voilà. Bien sûr, mais il faut que Genèse se passe. Voilà, ce sera dit. Revenons aussi à cette image qu'on a de Néron qui persiste à travers les âges, et ce fameux épisode, c'est probablement le plus grand mythe autour de Néron, ce fameux épisode de l'incendie de Rome, extrait du film Covadis de Mérine Leroy en 1951, suivi d'un commentaire de l'historien Paul Petit quant au rôle véritable, cas ou pas, Néron dans cet incendie de Rome. Reçois notre Rome, accepte ce don aux flammes, consume-la, dévorante fournaise, brûle donc, antique Rome, brûle donc, brûle! On a cru, beaucoup de gens à Rome ont cru que Néron était l'auteur de l'incendie. Parce que, d'après la légende, il aurait chanté devant les flammes et du haut d'une terrasse un chant funèbre, en quelque sorte, à propos de cet incendie. Même si le fait est vrai, il dénote évidemment un grand manque de tact de la part de l'empereur. Quant à la question de savoir s'il a lui-même provoqué l'incendie, soi-disant pour déblayer le terrain afin de construire à Rome ses fameuses villas, la Domus Transitoria et par la suite la Maison Dorée, c'est quand même extrêmement peu probable. Il faut savoir, et on le sait, que Rome était sujette très fréquemment à des incendies comme à des éboulements, et que ce n'est pas la première catastrophe de son histoire. Évidemment, elle a éclaté en juillet, en pleine chaleur, et ce fut une terrible catastrophe. Alors, sur cette question de l'incendie de Rome, du rôle ou pas de Néron, qu'est-ce qui appartient, Pierre-Luc Brisson, au mythe? Qu'est-ce qui appartient à la réalité? Je pense que c'est un mythe qui a été fabriqué par les chrétiens, là, essentiellement, parce que, on le dit, Rome, à cette époque-là, selon les estimations des historiens, c'est une ville qui est peuplée d'entre un demi-million, qui est la fourchette la plus basse, à presque 1 200 000 personnes, donc c'est une agglomération urbaine qui est très importante, et vous doutez bien des constructions rudimentaires, hein, qui devaient être celles dans lesquelles vivait la population. Donc oui, en effet, Rome était sujet aux incendies. D'ailleurs, les sources nous disent que lorsque l'incendie survient, Néron n'était pas dans la capitale, il était dans sa ville natale. Il va revenir à Rome et va ouvrir l'ensemble des jardins impériaux pour accueillir la population qui avait été victime des destructions causées par l'incendie. Et même, on nous dit que Néron va profiter des destructions occasionnées par l'incendie de 64 pour se lancer dans de grands travaux utilitaires afin d'améliorer notamment l'accès aux sources d'eau sur l'ensemble du territoire de la cité, justement pour prévenir ou pour rendre plus efficace la réponse des secours dans des incendies de ce type-là. Donc, les sources sont quand même assez nuancées. La raison pour laquelle on a attribué l'incendie à Néron, et on le dit dans l'extrait, c'est qu'il va profiter du fait que les ravages avaient été si importants pour se construire un immense palais qu'on va appeler la Maison Dorée, hein, la Domus Aurea. Et c'est ce qui va faire dire à plusieurs, disons, plumes ennemies de Néron, qu'il avait lui-même provoqué l'incendie pour laisser libre cours à sa mégalomanie. Ouais. Ce qui fait que Néron, conscient quand même de ce qu'on dit autour de lui par rapport à cet incendie, va à son tour, d'une certaine manière, jeter le blâme sur les chrétiens. Oui, mais en fait, il n'y a qu'une seule source qui nous rapporte que Néron s'est livré à une persécution des chrétiens, et c'est l'historien Tacite dans un très court passage qui tient à peine 4 ou 5 lignes. Donc, encore aujourd'hui. Donc, à nuancer, ça oui, aussi. Oui, bien sûr, l'an passé, dans le Journal of Roman Studies, il y a un historien qui a affirmé que c'était un mythe fabriqué de toutes pièces par les premiers historiens de l'Église romaine. Donc, en effet, aujourd'hui, on remet en cause cette première grande persécution des chrétiens. Sans doute, en effet, certains ont été blâmés, notamment, mais c'est aujourd'hui un fait qui n'est pas attesté. Bon, Néron, quand même, puisque Rome a brûlé en bonne partie, il en profitera pour refaire cette ville, et ça nous amène à son héritage sur le plan artistique, sur le plan architectural. C'est un amoureux des arts. Écoutez à ce sujet l'écrivain Michel Garneau à l'émission L'Aventure, en 1988. Ce méchant-là, je parle de Néron, aimait les arts pour vrai. L'activité culturelle sous son règne, l'activité culturelle est carrément brillante. Les arts plastiques, le théâtre, la philosophie, l'histoire, tout, finalement, connaît un grand essor. Pétrone, Catulle sont là. Les sciences avancent. Néron encourage tout ce qui pense, tout ce qui crée, tout ce qui chante, tout ce qui bouge. Et si ça ne menace pas directement la structure de son pouvoir, c'est correct. Quelle importance auront les arts pour Néron, Pierre-Luc Brisson, et quel héritage nous laissera-t-il sur le plan artistique et architectural? Oui, en fait, les grands travaux édilitaires de Néron vont être abandonnés par certains de ses successeurs, donc la Maison Dorée va être abandonnée comme chantier à Rome. Par contre, il va se faire construire une grande statue, hein, le Colosse de Néron à Rome, dont le Colisée actuel va tirer son nom, parce que cette grande statue était sur le site actuel du Colisée et va être déplacée par les empereurs subséquents. On le dit, au fond, Néron, c'est un mauvais casting, comme le disent les Latins. Hein. C'était quelqu'un qui aimait l'art pour l'art. Et au sein de la société romaine, qui déconsidérait justement les artistes, c'était une classe inférieure de la société. On ne pouvait pas concevoir qu'un empereur puisse se livrer au simple plaisir des arts. Artiste lui-même, d'ailleurs, à ses artiste heures. Lui-même, lui, il va participer au grand concours de chant du monde grec. Il va faire des tournées en Grèce où il va être louangé pour ses prétendues qualités artistiques. Mais vous doutez bien qu'on était dans un domaine de la flatterie. Malgré tout, son règne va dévier. Il va être déclaré ennemi public par le Sénat en l'an 68. Il va quitter la capitale en juin 68 et, abandonné de toutes parts, il va se donner la mort, mais incapable de se donner la mort lui-même. C'est l'un de ses esclaves qui va l'aider à franchir ce pas ultime. Pierre-Luc Brisson, chercheur au doctorat en histoire romaine, collaborateur régulier à l'émission Plus on est de fous, plus on lit. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Mon plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Thank you.